Mais qu'est-ce qu'il y a là dedans? Merci. Merci. Merci Pascal, merci, merci. Tu fumes? Tu fumes dans ma maison? Tu apportes ta putain de nicotine jusqu'à mes enfants? Le tabagisme passif, ça te dit quelque chose? Il le fait bien, lui. Tu veux tuer mes enfants? Arrête, Pascal, arrête. Quoi? C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sorti de ton gourmet? Je vais te tuer, moi. Vas-y, Jacques, fume-le! Ouais, c'est ça que je vais faire. Aïe! T'as eu peur, hein, le gros? Hé, Ange, c'était une blague. Il y en a un seul qui joue au con, on y reste tous. Dans le seau. Viens-moi ça. Doucement. Franck, dans le seau, j'ai dit. Chacun son tour. Très bien, Malek. Voilà. Doucement. À toi, Ange. Voilà. Dans l'aquarium. Maintenant, tu nous laisses. Bastien, regarde-moi. Tu sais qui je suis? Comment je m'appelle? Charlie Mattei. Je m'appelle Charlie Mattei et je vais te tuer. À visage découvert, c'est une question de respect. Je veux que tu saches qui te tue. Je veux que tu saches pourquoi tu meurs. Tu sais pourquoi tu meurs, Bastien? Oui. Règle passée confirmée, une cagoule. Une cagoule, c'est un message qui n'est pas signé. C'est un assassinat. Tu comprends la différence? Tout le monde a compris? Parce que je vais tous vous abattre, tous. Les uns après les autres. Mais pas tout de suite. Je veux que vous ayez le temps de penser à ce que vous avez fait. Je veux que vous y pensiez jour et nuit. Que vous demandiez pardon à vos femmes et vos enfants. Que vous leur disiez pourquoi vous allez mourir. Et quand vous y attendrez le moins, demain, dans 6 mois, dans 1 an, je serai là. Vous ne serez en sécurité nulle part tant que je serai vivant. Et dites aussi à Zach que son tour viendra. Il faudra me tuer pour m'arrêter. Bastien. Charlie, s'il te plaît. Regarde ta montre une dernière fois. Bon anniversaire, Bastien. On était les premiers, c'était notre galaxie. Notre Terre se portait au mieux pour tout là-haut. Mais la galaxie 2.2 nous ont pris à tout prix possible. Et voyez, voyager dessus nous. Ils sont venus chez nous nous faire la guerre sans aperçu. Sur du vécu, caserne, on finit pas loin. Les informations trafiquées comme trafic de la télé, dans les journaux télévisés. Caduc, c'est du montage du cinéma. Pour faire peur, tout se rejoint sur un bord robinet. C'est terminé, Terminator. Les programmes innés sont nés, tueurs nés, la destinée. Les présidents et les représentants sont obligés de suivre pour écouter tout cela. Sans suite, cette magie noire dans la matière noire. C'est la galaxie 2.2 qui nous bouffe petit à petit. Chercher qui cherche, sans chercher, à la recherche d'informations, ça cherche. La médecine était là, les IRM mis en place pour nous trouver des maladies sur maladies. Dans les radios de la 2.2 parasités comme des pattes parasites. Qui se méfie, fais ci, fais ça, vas-y, fais ci, va ça, fais ci, si. Le manger était salubre, je te donne le salam. Salut de toi maintenant, c'est bon du début à la fin. On leur a offert le 6 et 6 à capitonner. Pour négocier proprement, aller à mais dorénavant ils sont venus nous corrompter comme des moustiques et la moustiquaire car on s'est développé. La mafia 2048 a manœuvré avec l'étoile noire pour s'autodéfendre. On a équipé le système pour donner l'ordre à des attaques. Ils se sont défendus jusqu'à nous vouloir, on les a éliminés en partie par nos vaisseaux spatiaux de Star Wars comme données d'attaque avec les vaisseaux d'attentistes. Les humbles PZ qu'on s'est fabriqués sont envoyés dans l'univers lointain de nous et pour nous les homogués. On peut restaurer toutes les planètes avec cartographie de terrestre à terrestre avec leur richesse. Nos logiciels à bâtir nous ont été donnés par la V1 structurellement du système 10. On s'est créé plein de jeux comme la planète L5 où c'est du tourisme à touriste. La médecine était là, les IRM mis en place pour nous trouver des maladies sur maladies. Dans les radios de la 2.2, paparazzite comme les papas paradis. Qui se méfie, fait ci, fait ça, vas-y, fait ci, fait ça, fait ça. Le manger était salubre, je te donne le salam, salut à toi maintenant, c'est bon du début à la fin. La 2.2 nous a donné des maladies comme les bisous sur les lèvres volées, jour nouveau volé. Ils ont voulu négocier, être les premières puissances dans notre galaxie. Oublié, on a redécollé pour nous dans notre galaxie qui n'est pas en expansion illimitée. Nous nous sommes retrouvés pour se restaurer. On a répondu non et avons ouvert le feu avec munitions à volonté. Nous étions perdus, coup de poker pour Patrick. Le docteur magnéticien Atlantis a mené les troupes pour la victoire avec gloire. Aucune technologie n'a pu être décodée, terminé le bus. La médecine était là, les IRM mis en place pour nous trouver des maladies sur maladies dans les radios de la 2.2. Papa parasité comme des papas paradis. Qui se méfie, fait ci, fait ça, vas-y, vas-y, fais ça, fais ci. Le manger était salut, on se donne le salam, salut à toi, maintenant c'est bon du début à la fin. Leur planète était comparable à les nôtres, mais pas chez nous, double killer instinct. Maintenant, nous disposons des 5 éléments élémentaires pour contrôler notre galaxie. On s'est créé ces sites téléportés pour à la porte des étoiles avec nos vaisseaux amiraux d'Atlantis. L'heure est à la preuve, faux frontières, on a tout découvert, plus rien de chez nous, nos amis de l'avion avec qui on peut compter et qui est de notre univers. Ils sont venus nous aider, à 6 000 de plaies, on a payé pour leur aide et nous, les aides, ont formé qu'un. Et c'est exterminé car vouloir tout. C'était reproduit comme des miniatures indétectables, on les a parfaits avec leur pare-feu. On sait où sont nos troupes, on a 6G, puis s'ensuit les troupes pour communiquer des communiqués.